On va parler de passage à vitesse sur contre-piste. Beaucoup, beaucoup d'actions au cours du week-end. Il y a les Jeux du Québec où, encore une fois, la région performe très bien. Une compétition élite. On en parle avec notre collaborateur de passage de vitesse pour la région, parce qu'on en a deux. On a un pour au niveau national, mais au niveau régional et local, c'est David Simard. Salut, David. Bonjour. David, si on y allait maintenant avec compétition élite, Maud Tremblay, Rosalie Tremblay et plusieurs autres étaient en action en fin de semaine. Oui, on avait plusieurs partenaires. Donc, on avait une compétition élite. Ça se déroulait où, hein? Ça se déroulait à Montréal, à Maurice-Richard, à la Maurice-Richard. Donc, c'est notre dernière tranche du jour de l'année. C'est une compétition importante pour voir un peu où les partenaires sont rendus dans leur entraînement. On a tout, en fait, c'est un test pour nous autres. On était à deux semaines des gros aveux, à trois semaines des gros événements. Donc, nous, dans les prochaines semaines, on a les championnats canadiens seniors pour Maud Tremblay, Rosalie Tremblay, Léonie Bradette, tout ça, qui va se dérouler à Maurice Richard. Et dans trois semaines, on a les championnats canadiens juniors, la deuxième tranche qui va être à Trois-Rivières. Okay. Donc, c'est pour les plus Flavie, Karina, des filles qui sont un peu Marianne Gay, puis quelques autres partenaires de la région. Là. Fait que pour moi, c'est une compétition assez préparatoire. On a eu des bons résultats quand même. C'est un classement un peu de 1 à 60. On a des patineurs, c'est parmi les meilleurs du Québec, même les meilleurs au Canada. Il y a du Ontario aussi qui est représenté au Nouveau-Brunswick. Nos patineurs sont quand même bien déroulés. Nos patineurs un peu aussi sont dans des périodes de gros entraînement. Donc la compétition, on la considérait, mais on la préparait pas nécessairement. Fait qu'on était dans des états de fatigue quand même. Okay. Malgré tout, on a eu des bons résultats. On a eu Rosalie Tremblay qui est arrivé une 16e position. On a eu Maud Tremblay qui est arrivé, je pense, 19e, 21e Karina. Flavie Laroche-Roy un petit peu derrière, je pense, si je me trompe. Flavie Laroche-Roy de Robert Val, je pense, hein, c'est ça? Robert Val, c'est ça. 26e. Donc on a quand même des bons résultats chez les filles. Aussi Léonie Bradette, qui était à sa première compétition élite cette année. Quand bien fait, retour à sa confiance en elle, une fille de Saint-Félicien. Est arrivé juste derrière Maud, donc très bonne position quand même. Puis on a pu établir plus des stratégies un peu voir qu'on allait travailler dans les dernières semaines pour le niveau tactique versus les autres filles. Donc c'est quand même important pour eux. Mais aussi on avait d'autres compétitions, comme tu sais, les Jeux du Québec. OK. Si on y allait maintenant donc c'est quand même intéressant. Au Jeux du Québec, maintenant, il y a quand même aussi, au Jeux du Québec qui se déroule à Alma, tu l'avais mentionné la semaine passée que la région elle est très dominante. Et là, vraiment, là, à la lumière des résultats, mettons que c'est très, très intéressant. Oui, on est très, très intéressant. On avait déjà 4 médailles à notre actif avant hier. Ouais. Et aujourd'hui, on en a eu 5. Fait que c'est très bon. Donc, il y a des médailles régionales, bien sûr. On a eu... première chose, on a eu Émilien Blackburn qui a commencé le bal avec, Marie-James Gilbert de la Ligue qui est arrivée première, une grosse course pour elle, 500 mètres, c'est pas 500 mètres sa distance, réussi un gros dépassement en fin de course intérieure pour terminer première la course, donc très bon pour elle. On a après ça un Émilien Blackburn qui a suivi tout de suite le bal avec une deuxième position et Victoria Garou aussi qui elle est une plus jeune, il est arrivé deuxième. Puis il y a aussi notre fameux relais qui est un peu une course prisée chez le patinage de vitesse dans des grosses compétitions majeures comme ça. Toutes les régions étaient représentées. On avait les deux records des Jeux hier en demi-finale qui ont été faits chez les jeunes et chez les femmes. Donc déjà en partant, on avait comme la pression un peu sur nos épaules. Puis on a réussi quand même une grosse commande chez les gars de gagner la médaille d'or et chez les femmes arriver en deuxième position. Donc, pour nous, c'était un peu un objectif réalisé. Et nos patineurs ont très bien répondu à la demande. Là. Autant on avait un petit gars d'efficient Alexandre Timor, moi, qui m'a impressionné. J'avais pas vraiment vu patiner cette année. Et pour ma part, moi, c'est un plus jeune quand même dans cette catégorie-là. Il a réussi à bien se débrouiller. Puis il mérite une médaille d'or aujourd'hui. Donc, pour patineurs de la région, ce qui est le fun, sont médaillés, même s'ils n'ont pas réussi à monter sur le podium à un niveau individuel, en équipe, ils sont. Fait que c'est un peu un petit plus pour eux autres pour ce soir. OK. Donc, c'est là qu'on voit que la région est encore très, très forte. La relève est vraiment intéressante encore. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, exemple, Chez nos hommes, aujourd'hui, on avait autant des personnes du Saguenay que de la région d'Alma et du Haut-du-Lac qui étaient représentées dans le relais. Donc, ça montre que la santé du sport est bonne dans la région. Chaque club fait un peu sa part. Puis, notre nom de la région est encore bien présent sur même les représentants de la fédération qui étaient présents là, comme commentateurs aujourd'hui. OK. Donc, l'ambiance pour arrêter ce matin était assez hallucinante. Ouais. Prochaine compétition, on se parle quand, là? À la fin des Jeux, j'imagine? On se parle à la fin des Jeux? Dans deux semaines, en fait. OK, puis à la fin des Jeux, peut-être? Après les Jeux, oui, mais c'est terminé aujourd'hui. Là, avec OK. Les relais, aujourd'hui. Okay. Donc, c'était vraiment la dernière journée. On a cumulé, je pense, au-dessus de 9 médailles ou quasiment 10 au niveau individuel et en équipe. Fait que c'est quand même intéressant. On n'a pas une médaille en bas d'une médaille d'argent. Donc, ça va être bien. Puis sinon, on va plus se reparler dans deux semaines, puis dans trois semaines pour nos compétitions majeures. Ouais, Maud Tremblay, Karina Montmagny, Mélanie Gay, Rosalie Tremblay, et ainsi de suite. Là. Rosalie Tremblay. Catherine Mailloux aussi. Catherine, elle a un petit problème de santé, d'autres santé du sport là, jusqu'à la fin de la saison. Okay. Donc, des petits problèmes, fait que ça, on peut pas faire autre chose que ça. Ouais, donc, ouais. C'est arrivé dans le temps des fêtes, puis pour venir à l'entraînement encore. Là. OK. Ben, on se parle très bientôt. Merci. Au revoir. Notre collaborateur David.